d'abord, on parle avec Raymond Poirier, notre chroniqueur des affaires numériques. Bonjour, Raymond. Bonjour. Alors, ce matin, on revient sur ce qui a été présenté la semaine dernière, la grande stratégie numérique pour le Québec. Effectivement, c'est un sujet un peu incontournable, évidemment, dans le cadre d'une chronique numérique. Alors, je me disais, ça vaut la peine de prendre peut-être le temps de survoler un peu cette stratégie-là, de voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort. Évidemment, en fait, on parle de stratégie, on parle pas de plan d'action. C'est un élément qui va quand même pas mal en ressortir. Donc, dans la mesure où, dans la stratégie, on annonce justement la venue de plans d'action sectoriels, donc dans différents secteurs, dans différentes zones, au niveau de l'administration publique, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, en lien avec la formation. C'est également une stratégie qui s'ancre sur des plans d'action qui, eux, avaient déjà été dévoilés, notamment sur le plan économique avec l'appui aux PME, notamment sur le plan de la culture et également donc dans d'autres secteurs au niveau des infrastructures numériques. Donc ça, c'est des stratégies qui existaient, des plans d'action qui existaient déjà, qui viennent s'intégrer dans la stratégie, qui, elle, va appeler d'autres plans d'action également. Donc, on annonce essentiellement une couleur, donc des grands objectifs qu'on cherchera à auxquels on cherchera à répondre au fil des années à venir. Dans le fond, on s'est donné un horizon d'environ 5 ans de ce côté-là. Évidemment, la stratégie commence par mettre en place un peu où en est le Québec actuellement. Donc ça, évidemment, le où en est le Québec, c'est toujours ouvert un peu à interprétation selon à qui on s'adresse et selon sur quoi on décide de se baser pour analyser notre positionnement. Au niveau de la stratégie, on dit, regardez, le Québec est quand même en bonne position. Il y a des avancées intéressantes qui sont faites. À Montréal, on est en train d'avoir un pôle dominant au niveau de l'intelligence artificielle, des données massives. Il y a donc de l'expertise qui est présente à la grandeur de la province. C'est le reste, et c'est effectivement le cas. Il y a une belle expertise qui est présente ici, et il y a des très belles initiatives qui ont été réalisées au fil des dernières décennies. Parallèlement, si on en parlerait à d'autres, peut-être que le bilan serait un peu plus sombre. Exemple, quand on parle de compétences numériques des populations et le reste, on pourrait dire qu'on a peut-être un retard de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, puisque quand on parle d'initiatives en éducation, il y a quand même un élément générationnel aussi dans la mise en place de certaines compétences de ce type-là, donc de réformes éducatives et le reste. Donc, certains autres diraient, en prenant exemple sur cet élément-là ou en se comparant à d'autres pays qui, eux, ont déjà des stratégies numériques depuis une vingtaine d'années. On pense à l'Estonie, notamment, qui est très en avance sur ce côté-là, même au Royaume-Uni, qui a quand même produit beaucoup de rapports et de réflexions au fil de la dernière décennie. Donc, on pourrait dire peut-être que le Québec se situe un peu moins en chef de file que ce qu'on nous propose. Mais c'est ouvert à interprétation de ce côté-là. D'une manière ou d'une autre, c'est évidemment une bonne nouvelle et ça a été très bien reçu à cet effet. Donc, que le Québec décide de se doter d'une vision globale et décide de se donner un chemin clair, à tout le moins, pour avancer, même si dans la clarté de ce chemin-là, il y a quand même beaucoup de zones de gris, justement à travers une pléiade d'annonces qui devrait suivre au fil de la prochaine année cette stratégie numérique-là. Bon, il y a 7 grandes orientations dans cette stratégie numérique. Exactement, 7 grandes orientations. Évidemment, tout ça dans l'optique de bien positionner donc le Québec de manière générale. Alors, on y va évidemment avec 7 grandes orientations et 7 grandes cibles également. On va les détailler donc de manière plus spécifique. La première orientation, on parle d'infrastructure numérique. Donc, évidemment, et ça, c'est parfaitement logique, si on veut bâtir un Québec qui est numérique, évidemment, faut avoir des infrastructures pour supporter donc ces dispositifs qui seront mis en œuvre, ces outils qui seront développés. Donc, on parle évidemment des villes qui sont déjà bien connectées, mais comparativement, le Québec n'est pas égal devant le numérique. Il y a encore des régions, des zones, des secteurs qui peinent à avoir accès à une connectivité qui a du bon sens. Alors, c'est un peu ce qu'on veut pallier. Donc, ce qu'on veut, c'est que, et c'est la grande cible qu'on se donne de ce côté-là, que 100% des citoyens aient accès à des services Internet de haut débit, que 90% d'entre eux aient accès à des services Internet fixes de haut débit également. Alors, on part du principe donc qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et ce qu'on dit, c'est que il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place. On pense à une initiative comme Québec branché, pour lequel on a lancé quand même pas mal de programmes. Et en parallèle, on dit qu'on va s'appuyer aussi sur d'autres initiatives pour essayer de cibler certaines zones territoriales. J'ai vu la Gaspésie, par exemple, mentionnée. J'ai vu le Nunavik mentionné également à travers tout ça. Et donc, d'un côté, on veut essayer de se doter de cette infrastructure-là. Et de l'autre, on dit, ben, comme on aura une infrastructure solide d'ici quelques années, ben, normalement, cette infrastructure-là devrait être en mesure de supporter des projets de recherche et de développement, des projets de commercialisation pour devenir des catalyseurs dans le fonds d'innovation. Donc, on dit qu'on veut essayer de rentabiliser de ce côté-là cette infrastructure qu'on aura développée. Alors, on parle d'une offensive donc qui pourrait venir également de ce côté-là, donc autant à la connectivité qu'à l'usage. Donc, ça, c'est le premier objectif. Donc, on parle vraiment des infrastructures. Et si on a les infrastructures numériques, bien, ce qu'on dit, la suite logique de ça, c'est qu'il faut avoir les compétences maintenant pour utiliser les outils qui seront supportés par ces infrastructures-là. Et là, c'est là qu'on vient avec justement l'orientation liée à l'éducation, l'enseignement supérieur et le développement des compétences numériques. Donc, ces compétences numériques dont on parle régulièrement d'une manière ou d'une autre. Donc, l'idée, évidemment, est de s'assurer qu'on ait des citoyens qui sont capables de comprendre et d'utiliser le numérique. C'est pas nécessairement évident, c'est plus vite dit que fait. Donc, de quelle manière on pourra évidemment faire tout ça, la question se pose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un plan stratégique qui sera proposé, justement. C'est un peu le grand objectif, si on peut dire qu'on se lance, c'est qu'il y aura donc un plan stratégique en éducation qui sera proposé dans les prochaines années ou dans la prochaine année. Ce qu'on rappelle quand même, c'est qu'il y a tout de même des initiatives en numérique du côté du pôle éducatif qui ont été développés. On pense à la classe branchée, on peut penser au tableau blanc interactif, donc c'est des initiatives qui sont citées dans le programme. Si on creuse un peu, évidemment, pour qu'on connaisse un tant soit peu le secteur, il y a déjà plusieurs initiatives, que ce soit à Québec ou au Québec, développées en ce sens-là. On parle beaucoup, par exemple, de robotique pédagogique, donc l'utilisation de robots, de programmation créative avec Scratch. Donc, il y a des écoles qui ont commencé à intégrer ça dans des cursus. Il y a des ateliers qui sont donné aussi dans un contexte scolaire, mais sans nécessairement être intégré au cursus également. Donc ça, on sait qu'il y a des avancées. Donc la question, c'est de voir comment ça va s'intégrer dans une stratégie. Quelle sera cette stratégie également? Donc ça va être intéressant à suivre. Parallèlement, il y a toute la question de la formation en entreprise aussi qui est intéressante à surveiller. J'en parlais d'entrée de jeu, donc il y a quand même l'idée générationnelle. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement. Des compétences, ça se développe sur le long terme. On parle aussi quand même d'un Québec où il y a 40% environ, 30-40% de gens qui ne sont pas connectés à Internet, qui ne l'utilisent pas. Évidemment, peut-être pour des raisons d'accès, mais sinon, ça peut être aussi pour des raisons de crainte, pour des raisons de compétences, pour des raisons financières. Donc, c'est là qu'un peu aussi les deux premiers objectifs viennent s'associer. Parce que si on parle d'infrastructure numérique, donc 100% des Québécois aient accès au numérique. Donc, évidemment, c'est un prérequis pour s'assurer qu'il n'y a pas de fracture numérique, mais il y a d'autres facteurs que le simple accès lié à la fracture numérique. Donc, comment va-t-on faire aussi pour les surmonter? Encore là, ça va être intéressant à suivre. Alors, si je continue à descendre, on fait évidemment à ça, il y a l'administration publique, donc on veut transparente et efficiente. Et au niveau gouvernemental, en fait, essentiellement, ce qu'on explique, c'est que l'administration publique, c'est un pôle d'emploi important dans la province. Et qu'on veut qu'ils servent un peu d'ambassadeur aussi, dans le fond. Donc, ça devient un premier terreau, si on peut dire, d'implantation du numérique dans un cadre d'emploi. Alors, on veut que 90% de la mise en œuvre de l'orientation sur l'administration publique soit réalisé d'ici 5 ans. Donc, ça veut dire évidemment que s'il y a une orientation, ben qu'il y aura une orientation qui sera annoncée, et c'est essentiellement ce qu'on annonce aussi de ce côté-là, c'est qu'il y a un autre plan stratégique qui devrait venir pour proposer une modernisation de l'État, là, une numérisation de l'État. Ce qu'on veut, de manière générale, donc on annonce déjà peut-être un peu les couleurs de ce plan d'action-là, à travers les trois grands objectifs de ce point où on dit qu'on veut repenser les services existants, concevoir de tout nouveaux services pour offrir une expérience numérique qui serait centrée sur la personne. Donc ça, c'est l'expérience centrée usager, dans le fond. Donc, ça soit facile essentiellement de trouver les formulaires, de répondre, de communiquer avec le gouvernement. Présentement, évidemment, on parle de sites web qui sont parfois difficiles à naviguer. Des fois, c'est peut-être plus facile de passer par des engins de recherche pour arriver par des portes arrière plutôt que de rentrer par la porte d'en avant. Donc, il y a des correctifs à faire de ce côté-là. On veut offrir donc une expérience personnalisée, proactive et simplifiée. Et on veut permettre aussi aux gens d'influencer les décisions de l'État, donc d'être en mesure de peut-être participer plus facilement à des consultations, à l'émission de priorité en politique publique et le reste, et également faire en sorte que les citoyens soient maîtres de ces renseignements personnels. Et ça, il y a une certaine perméabilité d'ailleurs de ce côté-là avec le volet santé du plan stratégique du gouvernement, où on dit aussi que le citoyen doit être maître de son dossier, donc le fameux dossier santé personnalisé et numérique. Alors, c'est un peu la même chose au niveau de l'ensemble, dans le fond, des renseignements personnels. Donc, on veut que le citoyen puisse avoir accès à ces informations, puisse les gérer, les maîtriser. Donc, ça, c'est quand même intéressant également. Et à ça, ben, on ajoute aussi, là, on est rendu à la quatrième orientation. Je défile rapidement, mais c'est les villes intelligentes. Donc, ça, on entend tous parler de tout ça. On élargit aussi les territoires intelligents, donc villes et territoires. Ça, essentiellement, on part du principe qu'on veut que les municipalités puissent amorcer une transition vers le numérique, donc qui est déjà en partie amorcée dans certains cas, vraiment pas amorcée dans d'autres cas également. Donc, c'est un peu comme dans tous les secteurs. Donc, dès qu'on parle, parce que ça va être un peu la même chose dans l'objectif pour les PME. Donc, on reconnaît qu'il y a des avancées chez certains, qu'il y a des retards chez d'autres. Et donc, l'idée, c'est simplement de rendre disponible, dans le fond, des budgets ou des programmes pour permettre ensuite aux gens de réaliser des mesures qui vont répondre aux besoins locaux. Ça, donc, pas juste de mettre en place des sites web, là. Non. Non, c'est vraiment des moyens de communication avec les citoyens. Bon, ici, par exemple, si je prends les exemples de Québec, on a une application pour le stationnement. Donc, ça, c'est un peu une mesure liée à la ville intelligente. On a, bon, déjà accès au paiement de factures en ligne, des éléments comme ça. Donc, ça, c'est aussi des éléments de ville intelligente. Les communications avec les citoyens, médias sociaux et le reste, ça rentre là-dedans. Éventuellement, si on a de la participation publique en ligne, c'est dans ce type de gamme de services-là. Ça peut être de l'analyse de transport. Ça peut être beaucoup de choses, finalement. Et essentiellement, ce que le programme dit, c'est qu'on va tenter évidemment d'accroître l'appropriation du numérique par les municipalités, qu'on va tenter d'enrichir l'expertise publique numérique sur le plan municipal. Et comment on va le faire? Ben, c'est avec un appel de projet. Donc, on va essentiellement, ce que j'en comprends, donc c'est qu'on va lancer aux municipalités l'invitation à proposer des initiatives et ensuite qu'on va sélectionner des initiatives là-dessus. Donc, ça, c'est la grande action structurante pour cet axe-là. Donc, quand je disais au départ qu'il y a quand même beaucoup de zones de gris là-dedans, ben, on en a déjà quelques-unes, là. Donc, au niveau de l'éducation, au niveau de la modernisation de l'État, au niveau des villes intelligentes, donc que ce soit des appels de projet ou que ce soit des annonces à venir de plans d'action qui vont nous expliquer clairement ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a des budgets, qu'on veut faire quelque chose. Maintenant, on va nous expliquer éventuellement ce qu'on va faire. Au niveau de l'économie, ben ça, c'est déjà peut-être plus facile de cibler ce qu'on va faire puisqu'on est déjà en train de le faire parce que la stratégie a été lancée l'an dernier. Alors, on revient un peu dans les principes de cette stratégie-là où on vise à rehausser l'intensité numérique des entreprises, des organisations québécoises, donc dans tout secteur. Donc, on veut les accompagner essentiellement. Donc, c'est ce qui avait été annoncé qui est simplement redit de ce côté-là. Donc, des programmes d'accompagnement pour leur permettre de développer, d'enrichir leur présence numérique. En adaptant la chose, évidemment, au secteur visé. On veut bâtir des secteurs technologiques phares. On veut accompagner les start-up. Donc, s'assurer que des entreprises en démarrage puissent croître au Québec. On veut s'assurer aussi que les entreprises québécoises puissent rayonner sur les marchés internationaux. Une préoccupation, d'ailleurs, l'idée de rayonnement qui est partagée aussi par la portion culture du plan stratégique et du gouvernement. Alors, donc, c'est un peu ce qui ressort. La santé, ben, on en parlait tantôt, donc ça revient au renseignement personnel. Évidemment, dans le cas de la santé, il n'y a pas de plan stratégique, pas de plan d'action. Je suis surveillé mes termes, de plan d'action d'annoncer de ce côté. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut donc déployer des services numériques pour offrir aux citoyens une meilleure prise en charge. Et comment on va le faire? Ben, c'est avec donc le dossier médical électronique. Ça a déjà été un peu annoncé. Donc, il y a une période test qui a été annoncée, je pense, il y a 2 semaines à peu près par le ministre de la Santé. Donc, il y a un projet pilote qui va être amorcé dès janvier. Il y a une clinique de Québec, d'ailleurs, qui a été ciblée, à tout le moins. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en ressortir, mais ça va être ça, dans le fond, le cœur de la stratégie numérique en santé, ça va être l'expression de ce projet-là. Donc, prise de rendez-vous en ligne avec un médecin, prise de rendez-vous en ligne avec un spécialiste, information médicale et le reste. À ça, on veut essayer d'ajouter aussi des services de télésanté, mais essentiellement, c'est vraiment s'assurer que le citoyen soit maître de ses informations et puisse avoir un contact plus facile, peut-être, avec le système par une plateforme gouvernementale plutôt que par une multiplicité de plateformes informatiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a quand même pas rien qui s'est fait dans ces dernières années, dans les 20-30 dernières années. Il y a eu plusieurs petites initiatives ou moyennes initiatives. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir une initiative uniformisée, si on peut dire, à la grandeur de l'État. Et sinon, la 7e orientation, c'est la culture. Donc, on veut évidemment que la culture québécoise se démarque sur les réseaux, profite donc de l'impact du numérique pour se faire voir un peu partout de par le monde. Donc, elle est déjà présente. Elle est déjà présente et on sait que le plan d'action en culture, dans le fond, qui existe, lui, ça a été le premier qui a été annoncé. Je pense qu'il y a pratiquement plus de 2 ans. Là. Donc, c'est pas d'hier que ce plan-là a été mis en action. Ça s'est beaucoup axé, de ce que j'en ai perçu, sur la numérisation des ressources, sur l'intégration de services numériques. Et évidemment, si on incite les entreprises culturelles ou les organisations culturelles à être sur le web, à diffuser leur matériel sur le web, ben, l'étape qui est à franchir actuellement, et le grand défi, c'est de s'assurer que ces éléments-là soient référencés, soient visibles sur le web. On le dit souvent, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on existe sur Internet. Donc, encore faut-il être découvert et trouvé. Et ça, c'est pas facile. Alors, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de pages, et il y a un écosystème très riche de ce côté-là. Alors, de quelle manière tirer profit? C'est là qu'on tombe, entre autres, sur les métadonnées. Donc, des éléments qui vont permettre d'identifier, d'accroître une certaine visibilité pour les organismes et les produits culturels sur Internet. Donc, c'est un peu là-dessus que ça semble baser, là, l'idée du rayonnement. Et à travers aussi la présence sur le web, on dit qu'on veut accroître l'engagement des citoyens aux arts et à la culture d'ici. Alors, c'est un peu les 7 grandes stratégies. À ça, on peut rajouter un petit élément en parallèle où le gouvernement a annoncé son intention de mettre en place un conseil du numérique. Donc, l'idée d'avoir une table d'experts qui viendrait opiner, qui viendrait réfléchir, qui viendrait assurer un contact, si on peut dire, entre l'État et la société et l'expertise du domaine également. Alors ça sera intéressant de surveiller également le développement de cette initiative-là. La grande question, c'est de savoir qui sera sur ce conseil du numérique, quel sera précisément le rôle de ce conseil numérique-là. Est-ce que ce sera purement un rôle consultatif? Est-ce qu'il y aura une certaine responsabilité législative dans le suivi, dans le fond, des objectifs que s'est donné le gouvernement? Donc, ça sera quoi un peu les paramètres d'engagement de ce conseil-là? Encore là, ça va être intéressant à suivre. Alors, c'est beaucoup, beaucoup à suivre, en fait. Beaucoup à suivre, en fait, c'est ça. On va certainement prendre le temps de la période du congé des fêtes pour analyser plus en profondeur ce que ça signifie, puis entendre les différents acteurs dans les différents champs d'intervention pour s'assurer de bien comprendre ce que ça veut dire, parce qu'évidemment, c'est des portes ouvertes sur l'avenir. Alors, il nous reste à voir concrètement comment ça va se matérialiser. Exactement. Comme tu dis, en fait, c'est un bon terme. Énormément de portes ouvertes avec cette stratégie-là maintenant. Comment va-t-on les ouvrir précisément et quelle est la porte qu'on va ouvrir? Donc, on en a une certaine idée. Comme tu dis, ça sera analysé. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est certain que c'était devenu urgent que le Québec se dote d'une stratégie, d'une vision définie. Alors, enfin, on en est à ce point-là. Donc, on a bien hâte de voir la suite des choses maintenant. Merci beaucoup, Raymond. Fait plaisir. Raymond Poirier, chroniqueur des affaires numériques.